Chapitre 44. Respecter les savants, les personnes âgées et les gens de mérite, les préférer aux autres, élever leur rang et montrer leur valeur. Allah Ta'ala dit: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Sourate 39, verset 9. 348. D'après Abu Mas'ud, Uqba ibn Amr al-Badri al-Ansari, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: doit diriger la prière celui qui, dans un groupe, connaît le mieux le livre d'Allah. S'il se valent dans la récitation, alors celui qui est le plus versé dans la sunna. S'il se valent dans la connaissance de la sunna, alors le premier à avoir accompli l'égir. S'il se valent à ce niveau, alors le plus âgé d'entre eux. Que personne ne dirige la prière à l'endroit où un autre a autorité, et que personne ne s'assied sans autorisation dans la maison où il a été invité. Muslim. Dans une autre version de Muslim, alors le premier à s'être converti à l'islam, à la place de alors le plus âgé d'entre eux. Dans un autre récit, doit diriger la prière celui qui connaît et récite le mieux le livre d'Allah. S'il se valent dans la récitation, alors le premier à avoir accompli l'égir. Et s'ils se valent à ce niveau, alors le plus âgé d'entre eux. Muslim. 349. D'après Abu Mas'ud al-Ansari, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, passait ses mains sur nos épaules avant la salat en disant: alignez-vous et ne soyez pas désunis dans les rangs afin d'éviter les dissensions entre vous. Et que les adultes et les gens les plus sages soient les plus proches de moi durant la salat, puis ceux qui le sont moins, et ainsi de suite. Muslim. 350. D'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: que viennent juste derrière moi dans les rangs pour la salat, les adultes et les gens les plus sages, puis ceux qui le sont moins, et ainsi de suite. Puis il ajouta: et méfiez-vous du brouhaha des marchés. Muslim. 351. Sahl ibn Abi Hathma al-Ansari, radiyallahu anhu, rapporte: Abdullah ibn Sahl et Muhayyisa ibn Mas'ud se dirigèrent vers Khaybar, dont les habitants étaient alors liés aux musulmans par un traité de paix. Les deux hommes se séparèrent. Muhayyisa retourna ensuite voir Abdullah ibn Sahl et le trouva mort, baignant dans son sang. Il l'enterra puis regagna Médine. Abdurrahman ibn Sahl, Muhayyisa et Huwayyisa ibn Mas'ud allèrent trouver le prophète alayhi salatu wassalam. Abdurrahman, le plus jeune des trois, voulut alors prendre la parole, mais fut interrompu par le prophète alayhi salatu wassalam qui lui dit: laisse parler d'abord les plus âgés. Il se tut donc, laissant les deux autres prendre la parole. Le prophète alayhi salatu wassalam leur dit: êtes-vous prêts à jurer de l'identité du meurtrier pour obtenir le prix du sang? Puis il cita le reste du hadith. Al-Bukhari et Muslim. 352. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam plaçait les hommes tués au cours de la bataille d'Uhud deux par deux dans les tombes en demandant: lequel des deux connaît le mieux le Coran? Il plaçait alors en premier dans la tombe celui qui lui était désigné. Al-Bukhari. 353. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: je me suis vu en rêve en train de me frotter les dents à l'aide d'un siwak quand deux hommes, l'un plus âgé que l'autre, se présentèrent à moi. Je voulus tendre le siwak au plus jeune, mais l'on me dit: commence par le plus âgé. Ce que je fis. Muslim avec une chaîne isnad ininterrompue et Al-Bukhari avec une chaîne interrompue. 354. Selon Abu Musa, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: honorez le musulman âgé, ainsi que celui qui connaît le Coran par cœur sans exagération ni négligence dans sa mise en pratique ou sa récitation, et le souverain juste, est une manière de glorifier Allah Ta'ala. Abu Daoud et le hadith est Hassan. 355. D'après Amr ibn Shu'ayb, selon son père, selon son grand-père, radiyallahu anhum, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: celui qui n'est pas clément avec les plus jeunes et ne reconnaît pas l'honneur des plus vieux ne fait pas partie des nôtres. Abu Daoud. Et At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan Sahih. Selon une version d'Abu Daoud, et ne reconnaît pas les droits des plus vieux. 356. Selon Maïmoun ibn Abi Shabib, rahimahullah, un mendiant se présenta chez Aïcha radiyallahu anha, qui lui donna un morceau de pain. Un homme bien habillé alla également la voir. Elle l'invita à s'asseoir et lui servit à manger. Aux gens qui l'interrogèrent sur sa manière d'agir, elle répondit: le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: traitez les gens selon leur rang. Rapporté par Abu Daoud, qui précise que Maïmoun n'a pas pu rencontrer Aïcha. Muslim le rapporte également au début de son Sahih, sans citer sa chaîne narrative, et en disant: on rapporte que Aïcha a dit: le prophète nous a ordonné de traiter les gens selon leur rang. Al-Hakim, Abu Abdillah, le mentionne aussi dans son livre La connaissance des sciences du hadith, également sans préciser la chaîne Isnad, et en affirmant que le hadith est authentique. 357. Ibn Abbas, radiyallahu anhum, rapporte: Uyayna ibn Hisn arriva à Médine où il séjourna chez son neveu Al-Hur ibn Qais, qui faisait partie des proches de Omar, radiyallahu anhu. L'entourage de ce dernier était en effet composé des hommes les plus savants, âgés ou jeunes, qu'il consultait. Uyayna demanda à son neveu: cher neveu, tu jouis d'un rang privilégié auprès de l'émir, Omar. Essaye d'obtenir pour moi une audience auprès de lui. Al-Hur réclama cette audience à Omar, radiyallahu anhu, qui la lui accorda. Lorsque Uyayna se présenta devant le calife, il s'exclama: « Attention à toi, ô fils d'Al-Khattab, car par Allah, tu n'es pas généreux envers nous et tu ne juges pas entre nous équitablement. » Omar, radiyallahu anhu, se mit en colère au point de vouloir le corriger. Mais Al-Hur lui lança: « Ô chef des croyants, Allah Ta'ala a dit à son prophète: « Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. » Sourate 7, verset 199. Et celui-ci fait assurément partie des ignorants. Par Allah, poursuivit Ibn Abbas, en entendant le verset, Omar ne put le transgresser, car il n'outrepassait jamais les limites du livre d'Allah Ta'ala. Al-Bukhari. 358. Abu Sa'id Samura ibn Jundub, radiyallahu anhu, a dit: j'étais du temps du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, un garçon qui mémorisait ce qu'il nous enseignait, et seul mon jeune âge m'empêchait de rapporter ses paroles en présence d'hommes plus âgés que moi. Al-Bukhari et Muslim. 359. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: nul jeune homme n'honore un vieillard en raison de son âge sans qu'Allah ne lui assigne à son tour quelqu'un qui l'honorera dans sa vieillesse. Rapporté par At-Tirmidhi, qui précise que le hadith est gharib, peu familier. Hadith jugé faible par Sheikh al-Albani. Rahimahullah.